La pluie découverte de lure fine, son pull de laine tissé point la bravoure, son mât comme le glaive évitait toutes les larmes que le ciel de misère foudroyait sans détour. Éloigné des terres riches, il voguait l'âme en peine, s'orientant grâce à ses danses étoiles, luttant dans sa dérive contre une mer irritable, il jure de toucher des doigts la plus belle des étoiles. La la la la la la la la la la la la la la la la. L'écume assassine commandite le vent, la mer, les étoiles voisines pour le priver de temps. Il s'accroche, imagine que les puissances divines s'acharnent comme une machine infernale décidément. La la la la la la la la la. Ces mille de sillages, de tempêtes et comptines, enivre son corps, son âme s'évade lentement vers cette lueur blessante, ses rayons anonymes, pour au moins toucher des yeux ce spectacle aveuglant. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Tel Icare sans appel, il s'envole et badine, discernant ce point blanc comme une lune grandissante. Les années-lumière défilent en spectacle triste, déflorant peu à peu ses ailes de neige fondant. La la la la.